بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bienvenue très chers frères pour ce cours dans l'exégèse du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous sommes toujours dans le dernier juz amma aujourd'hui, on va clôturer la première partie de ce dernier juz, bi'idhnillahi ta'ala. Fara'ayna fil usbu' al-madi anna Allah ta'ala aqsama fi surati at-Tariq bis-sama' wan-nujum al-mudhi'ah. Nous avons vu lors de la semaine dernière, nous avons vu la semaine dernière lors du cours précédent que Allah Ta'ala a juré dans Surat At-Tariq par le ciel et par les étoiles étincelantes. واليوم نرى القسم الثاني الذي ذكره الله تعالى في هذه السورة. Et aujourd'hui, nous allons voir la deuxième fois que Allah Ta'ala jure dans cette sourate. Allah dit: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. Par le ciel, celui qui contient Ar-Raja. Le mot Ar-Raja, on va l'expliquer par la suite, Inch'Allah Ta'ala. Par le ciel, celui qui contient Ar-Raja. Et par la terre, celle qui contient l'ouverture. Certes, ceci est une parole tranchante. Et ce n'est pas une plaisanterie. Et certes, eux, ils rusent. Et je ruse. Alors, accorde un délai. Alors, accorde un délai aux incroyants. Accorde-leur un court délai. فَأَقْسَمَ تَعَالَى بِالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالرَّجْعُ هُوَ السَّحَابُ الَّذِي يَرْجِعُ بِالْمَطَرِ وَسُمِّيَ رَجْعًا لِأَنَّهُ يَرْجِعُ كُلَّ عَامٍ. Allah Ta'ala, il a juré par Ar-Raja. Ar-Raja, c'est le nuage qui revient avec la pluie. C'est le nuage qui contient l'eau de la pluie. Il a été appelé Raja parce que celui-ci, il revient chaque année. Il a été appelé comme cela parce qu'il revient chaque année. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. Et par la terre, celle qui contient l'ouverture. أَيْ تَتَشَقَّقُ الْأَرْضِ لِخُرُوجِ النَّبَاتَاتِ. C'est-à-dire que la terre, elle va s'ouvrir, se fendre, afin que les plantes puissent sortir. وَبِهَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ يَعِيشُ الْعِبَادِ. Et c'est par ces deux points-là que les serviteurs vont vivre. La pluie et la terre qui se fend pour laisser pousser les plantes. فَلَوْ انْقَطَعَ الْمَطَرُ وَخُرُوجُ النَّبَاتَاتِ مَاتَ الْعِبَادِ. Et donc si la pluie s'estompe et que les plantes s'arrêtent de pousser, les serviteurs vont mourir. Les serviteurs vont mourir. Plus de pluie, plus de plantes. Comment on se nourrit? Comment on nourrit nos animaux? Que va-t-il se passer par la suite? وَيَا لَيْتَ النَّاسَ تَأَمَّلُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ لِيَعْرِفُوا أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ. Et si seulement les gens méditaient sur cela, afin qu'ils sachent que Allah Ta'ala est le seul à mériter l'adoration. والله تعالى يرشدهم الى التامل في ذلك في كتابه. Et Allah, il appelle les gens, il les guide à méditer sur cela dans son livre. Allah Ta'ala qui dit: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. Voyez-vous ce que vous labourez? Est-ce que c'est vous qui le cultivez ou alors c'est nous les cultivateurs? لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ. Si nous voulions, nous en aurions fait des débris. Des débris, ces plantes. C'est-à-dire des plantes qui périssent et dont on ne peut rien faire avec. فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ. Alors vous vous seriez étonnés en disant « Inna la mughramoun ». Certes, nous sommes perdants. Bel nahnu mahrumoun. Mais certes, nous sommes privés. Nous sommes privés. Afara'aytumul ma' alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun? Voyez-vous l'eau que vous buvez? Cette eau que tous les jours tu vas dans le robinet, tu ouvres le frigo, tu ouvres la bouteille, tous les jours cette eau que tu bois. Afara'aytumul ma' alladhi tashrabun? Voyez-vous cette eau que vous buvez? Est-ce que c'est vous qui l'avez fait descendre des nuages? Ou alors c'est nous qui l'avons fait descendre? لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ. Si nous voulions, nous aurions fait de cette eau une eau salée. Une eau salée dont tu ne peux pas la boire. Et tu ne peux pas l'utiliser pour l'agriculture, l'eau salée. On aurait fait quoi? فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ. Si seulement vous remerciez. On doit remercier Allah Tabaraka wa Ta'ala pour tous ces bienfaits qu'il nous donne. Cette terre, tu peux très bien venir cultiver, tu plantes les graines, tu mets l'engrais, tu vas labourer la terre, mais ça ne pousse pas. Tu peux très bien faire toutes les causes, mais ça ne pousse pas. Remercie Allah Tabaraka wa Ta'ala pour tous ces bienfaits que tu as. Aujourd'hui, les gens, ils voient le paquet de farine. Quand ils vont l'acheter, ils oublient d'où vient cette farine. Ce pain que tu manges, ces pâtes que tu vas manger, ce riz que tu vas manger, la hadès et autres, toutes ces choses, elles viennent d'où? Elles sont venues comment? Des gens qui ont fait des causes, qui ont planté des grains, et Allah Tabaraka wa Ta'ala qui a fait que ces grains ont poussé. Car si Allah veut que ces graines ne poussent pas, rien ne va pousser. Fela ou la tashkurun. Alors si seulement vous remerciez. Tashkurun Allah tabaraka wa ta'ala bi ibadatihi wahdahu la sharika la. Remerciez Allah tabaraka wa ta'ala en l'adorant seul, sans lui accorder quelconque associé. En lui obéissant. À chaque fois que tu vas manger, tu te rappelles de ce bienfait qu'Allah il t'a donné. تَشْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى الْحَمْدُ لِلَّهِ. Il est important de reconnaître les bienfaits d'Allah Ta'ala sur nous. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ. Ensuite Allah le Très-Haut, il nous dit, certes cette parole est une parole tranchante. Une parole tranchante. أي أن هذا القرآن هُوَ قَوْلٌ فَصْلٌ. Ce Coran est une parole tranchante. وَذَكَرَ الْعَلَّامَةُ Ibn al-Uthaymin rahimahullah أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَقْسَمَ بِالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ لِأَنَّ بِهِمَا تَكُونُ حَيَاةُ الْإِنْسَانِ وَالْقُرْآنُ كَذَلِكَ بِهِ تَكُونُ حَيَاةُ الْقُلُوبِ. Le Sheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah, il dit que Allah Ta'ala, il a juré par le ciel qui contient les nuages pluvieux et la terre qui se fend pour laisser sortir les plantes. Il a juré par ces deux-là que parce que par ces deux éléments vont pouvoir vivre les êtres humains. Par ces deux éléments, il y a la vie des êtres humains dépend de ces deux éléments. Et le cheikh, il nous dit, « وَكَذَلِكَ الْقُرْآنِ » De la même façon, le Coran. Le Coran permet au cœur de vivre. Le Coran permet au cœur de vivre. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre, « وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا » Et de cette même façon, nous avons fait descendre sur toi, nous t'avons révélé « Ruhan ». C'est quoi « Ruh » Un esprit, une âme. Et donc, nous t'avons révélé une âme venant de nous, venant de notre ordre. Ça veut dire quoi? Al-Hayat. Allah, les savants, ils disent « Inna Allah tabaraka wa ta'ala samma al-Qur'an ruhan » لأن بالقرآن تكون حياة القلوب كما أن بالروح تكون حياة البدن. Les savants nous disent que Allah tabaraka wa ta'ala il a appelé le Coran ruh parce que par celui-ci, par le Coran va vivre le cœur, de la même façon que par l'âme, ruh va vivre le corps. Le corps, lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère et qu'il ne vit pas encore, mais que l'âme lui est insufflée, lorsque l'âme sort du corps humain, c'est ainsi à ce moment-là que la personne meurt, lorsque son âme sort. Et donc ces personnes-là, ils pensent qu'ils ramènent les gens à la vie, mais non, pas du tout. C'est là qu'ils voient les limites de la science qu'on a aujourd'hui. Et donc, ce Coran, il donne vie au cœur. Il donne vie au cœur. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit Ya ayyuha alladhina amanu istajibu lillahi wal rasul idha da'akum lima yuhyikum. Ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et du messager lorsqu'il vous appelle à ceux qui vous donnent la vie. Comment ça, on est mort? On est vivant. Allah s'adresse à ceux qui ont cru. Ils sont vivants s'ils ont cru. Et donc, on est vivant, mais on répond à l'appel d'Allah et du messager lorsqu'il nous appelle à ceux qui nous donnent vie. La vie du cœur. Tu vis la vraie vie par le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala a juré par la pluie, par le ciel qui contient les nuages qui font descendre la pluie et la terre qui laisse pousser les plantes, parce que ces éléments-là sont des causes de la vie de l'être humain. De la même façon que le Coran permet au cœur de l'être humain de vivre. فَهَذَا الْقُرْآنَ قَرْءٌ فَصْلٌ أَيْ قَرْءٌ حَقٌ. Et donc ce Coran, c'est une parole tranchante, c'est-à-dire une parole de vérité. وَبِهِ يَتَمَيَّزُ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ والصادق من الكاذب والمتقي من غيره. Et c'est par le Coran que nous allons pouvoir distinguer, trancher, faire la différence entre le vrai et le faux, le véridique et le menteur, le muttaqi, celui qui est pieux, et celui qui ne l'est pas. C'est par le Coran qu'on va déterminer cela. فمن تمسك بهذا الكتاب نصره الله. Celui qui s'accroche à ce livre, Allah lui accorde le secours. فَأَنْتَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُ لَا يَلِيقُ بِكَ لَا يَلِيقُ بِكَ أَنْ تُعْرِضَ عَنْ هَذَا الْكِتَابِ. Et donc toi, ô musulman, il n'est pas correct, il n'est pas convenable que tu te détournes de ce livre. Il n'est pas convenable que tu te détournes de ce livre. خَاصَّةً مَا كَثْرَةِ الْفِتَنِ فِي هَذَا الزَّمَنِ. Particulièrement avec le grand nombre de troubles, de fitan que nous avons à cette époque. Ihris, ijtahid, fikera atihad al-kitab, hatta tatamakkan min at-tamyizi bayna al-haqq wal-batil. Efforce-toi de lire ce livre afin que tu aies la capacité de distinguer le vrai du faux. Allah Ta'ala, il dit ensuite après ça, wa ma huwa bil hazl. Et ce n'est pas une plaisanterie. Ay hadha al-Qur'an ma huwa bil la'b. والعبث. Ce Coran, ce n'est pas un jeu ou une futilité. وهو الحق. Mais c'est la vérité. فلا تهمله. Alors ne le délaisse pas. Il n'est pas convenable que les frères qu'on prenne ce livre, qu'il est à la maison, qu'il prenne la poussière, tellement on ne le lit pas. Ce n'est pas convenable. Il n'est pas convenable aux musulmans d'arriver à une situation pareille. Nous devons nous efforcer de lire le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cette parole de vérité, ce n'est pas une futilité. Certains vont se concentrer sur des futilités. Lire, perdre du temps à lire, qu'est-ce qui s'est passé au PSG, combien ils vont dépenser pour essayer de gagner la Champions League l'année prochaine, Tu dis, Tabiahi, le Coran, quand est-ce qu'on va lire le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala? Innahum yakiduna kayda. Certes, ils rusent. C'est-à-dire, les incroyants, ils rusent. Yakiduna li saddin nas an din al-islam wa an qira'ati hadha al-kitab wa at-tasdiq lah. Les incroyants, ils vont ruser pour éloigner les gens du livre d'Allah, éloigner les gens de l'islam et les empêcher de croire à ce que contient ce livre. Ils vont ruser. Allah tabaraka wa ta'ala en avait parlé. Aujourd'hui, nous le voyons encore et encore. Toutes les ruses qu'il y a contre l'islam pour faire passer cette religion pour une religion arriérée et extrémiste, ist, fist, mististe. Tous les ist qu'il y a, c'est pour les musulmans. Salafiste, islamiste. Dès qu'il faut mettre un ist quelque part, on va le mettre. Et donc, aujourd'hui, combien de ruses il y a pour éloigner les gens de cette belle religion ? Wa kullu man darasa sirata an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yudriku kayfa hawala al-mushrikuna qatlahu wa ijtama'u ala dhalik fakadu bihi. Et toute personne qui a étudié la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam comprend combien les polythéistes ont rusé pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Se sont efforcés pour le tuer. Ils ont donc rusé pour cela. Lakin Allah ta'ala hafidha nabiyahu wa makkanahu min al-hijra. Cependant Allah ta'ala, il a protégé son prophète et lui a permis d'émigrer et de s'éloigner de ces gens qui voulaient sa mort. Allah Ta'ala qui nous dit ici, innahum yakiduna kayda wa akidu kayda famahilil kafirina amhilhum ruwayda. Certes, ils rusent. Ils se servent de ruse et je ruse. Alors accorde-leur un délai. Accorde un délai aux incroyants, accorde-leur un court délai. Anzirhum qalilan. Fa hadha wa'idun shadidun min Allah ala kuffari Quraysh khususan wa ala kulli man ala shakilatihim fi sadd an-nas 'an din al-islam 'umuman. Et donc ceci est une lourde menace, cette parole qu'on vient de lire est une lourde menace d'Allah tabaraka wa ta'ala envers Quraysh de façon spécifique. Lorsqu'il ruse pour empêcher aux gens, lorsqu'il rusait pour empêcher aux gens d'adhérer à cette religion, et qu'ils ont rusé pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'oubliez pas que cette sourate a été révélée pendant la période mécoise, avant l'immigration. Donc Allah tabaraka wa ta'ala qui dit à son messager, anzirhum, accorde-leur un délai, un court délai. C'est une menace. Une menace faite à ces polythéistes et à tous ceux qui sont comme eux, dans le fait d'empêcher aux gens de connaître la vérité concernant l'islam et de chercher à les éloigner de cette religion. C'est une menace. ففيه تسلية للمؤمنين وقد وعدهم الله تعالى وعد الحق فرجعوا بعد ذلك إلى مكة وفتحوها. Et donc il y a dans ce verset une forme de réconfort pour les croyants. Lorsqu'ils ont émigré, ils ont délaissé la Mecque, affaiblis, ils ont fui parce que des incroyants se sont rassemblés contre eux pour les tuer, pour les châtier. Mais Allah tabaraka wa ta'ala leur a fait la promesse de vérité. Et par la suite, ils sont retournés à la Mecque pour la conquête de celle-ci et ont récupéré la Mecque. Et les croyants ont récupéré la Mecque. فهؤلاء الكافرون الذين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من داره غلبوا في بلدهم. Et donc ces incroyants qui ont chassé le prophète صلى الله عليه وسلم de sa propre demeure, ils ont été vaincus dans leur propre pays. حتى أنه جاء في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ماذا ترون أني فاعل بكم. À tel point que vous pouvez voir dans la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il a repris la Mecque, il leur a dit aux incroyants de Quraysh, il leur a dit: que voyez-vous que je puisse faire de vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez que je dois faire de vous? Ils ont répondu en disant: Akhun Karim, Ibn Akhin Karim, un frère noble. Ils lui ont dit: tu es un frère noble, le fils d'un frère noble. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit: اذهبوا فأنتم الطلقاء. Partez. Aujourd'hui, vous êtes libres. Vous êtes libres. Il les a laissés, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. وهناك مسألة وهي هل يوصف الله بالكيد. Il y a un sujet qu'on va aborder avant de clôturer, inshallah. Est-ce qu'on peut décrire Allah par la ruse? Et donc, Al-Kaïd, la ruse, celui qui dit que ce n'est pas une sifat, s'est trompé. Celui qui nous dit juste c'est une sifat, il s'est trompé. فَنَحْنُ أَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ نُثْبِتُهَا مُقَيَّدَةً كَمَا جَاءَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ. Nous affirmons cet attribut, mais de façon annexée, délimitée, comme cet attribut a été cité dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala, à chaque fois qu'il a cité cet attribut dans le Coran, c'était par rapport à ceux qui rusaient contre sa religion, contre la vérité. فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ صِفَاتِهِ أَنَّهُ يَكِيدُ بِالْكَائِدِينَ. Parmi les attributs d'Allah Ta'ala, le fait qu'il va ruser contre les ruseurs. Kama yakulu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, jaza'an bima 'amalu, en rétribution de ce qu'ils ont agi. Li anna al-jaza'a min jinsil 'amal. Car la rétribution est du même genre que l'œuvre. Ils ont rusé, leur rétribution est que Allah tabaraka wa ta'ala ruse contre eux. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan.